bachelier à 14 ans, avec mention. Diplômé de sciences politiques à 20 ans. Sorti premier de sa promotion à Polytechnic School of London.